C'est quoi ce synthé là? C'est... Attends, j'enlève mon délai, c'est casse-couille. C'est un vieux synthé ça ou c'est un virtuel? Attends, moi je crois qu'un jour je vais vendre tous mes synthés, je vais acheter que des vieux synthés. Faire plaisir, c'est tout. Ceux qui crachent bien, qui font péter les enceintes. Cette musique, et puis après j'ai vu le film où il y a cette musique où il y a un espèce de gars qui se fait violer, ils le prennent pour un cochon, et tu fais le cochon, ça m'a dégoûté cette musique. Il y en a un qui connaît cette musique là? Ils sont dans une forêt. Sur des chasseurs un peu pervers. Il y en a un qui se fait. Il y avait cette musique dans le film, du coup ça m'a dit. J'ai voulu télécharger Midnight Express, mais je sais pas ce qu'il me fait, Midnight Express, je pensais que j'avais le morceau. Le son de Midnight Express, la son de basse, j'ai toujours adoré. Salut. Salut, salut, salut, salut. Windows 98, un nouveau ordinateur. Thank you. C'est l'heure d'aller. Moi je le veux bien le Super Wave. Tu peux me le. Moi j'ai Juno 106 en VST, c'est pas mal aussi. J'aurais préféré le vrai Juno, mais bon.